disponible. Sous la couverture signée Aubaume, les animaux sont au centre de plusieurs récits. Caroline Soucy nous fait découvrir un asticot dépressif. Francis Desharnais tremble face à un écureuil carnivore et Sébastien Rivet se débarrasse d'un poisson. Découvrez aussi les chroniques Bouffe de Cyril Doisneau et Cinéma de Julie Delporte. La revue Planche en librairie dès maintenant. Les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Oui, bonjour, bienvenue à l'émission Grain de sable. Ici à l'animation Jean Cloutier en studio. Et par la voix des ondes téléphoniques, j'ai avec nous le président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Bonjour Claude. Oui, bonjour Jean. Je suis vraiment content que tu sois avec nous et que tu acceptes de parler de paradis fiscal, des paradis fiscaux, puisqu'il y a eu une nouvelle. Moi, c'est par le Journal de Québec cette semaine que j'ai vu qu'il y avait eu quand même du nouveau sur ce dossier de paradis fiscal. J'ai tenté de rejoindre M. Lanoux, qui avait présenté le mémoire pour Attaque Québec à la commission parlementaire prévue sur le sujet. Et je crois qu'il est probablement en avion à l'heure actuelle, en transition. Mais je sais très bien que, comme porte-parole d'Attaque Québec, tu peux nous dire si le contenu, la volonté de ce que Attaque Québec avait présenté à l'Assemblée nationale est en voie d'être en application. Non, malheureusement, ça va plutôt dans le sens contraire. Mais en fait, il y a deux choses qui se passent actuellement. C'est que nous, ce qu'on avait demandé, c'est que la Caisse de dépôt, et d'ailleurs tout organisme gouvernemental, si on faisait vraiment l'ensemble, là, alors qu'il cesse de faire affaire avec toute entreprise qui est impliquée dans les paradis fiscaux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le gouvernement a une sorte de, comment je pourrais dire, de devoir moral de ne pas encourager ou de ne pas tout simplement faire affaire avec des entreprises, donc, qui font de l'évasion fiscale, de l'évitement fiscal, qui profitent de ce système-là. Alors, c'est ça qu'on avait proposé et, à notre grande surprise, quand même, ça s'est retrouvé directement dans le rapport, c'est ça. Mais là, actuellement, ce qui se passe, c'est quelque chose qui est un petit peu différent de ça. C'est qu'on se rend compte que la Caisse de dépôt agit finalement comme une banque, agit comme un fonds d'investissement qui se sert des paradis fiscaux pour finalement faire plus d'argent, tout simplement. Alors, quand même, c'est quelque chose, disons, à la fois d'attendu et d'inattendu, hein, peut-être, mais il faut vraiment se poser la question, est-ce que la Caisse de dépôt a raison de faire ça? De souvenir, j'étais justement à la présentation du mémoire d'Attaque Québec et on avait soulevé effectivement que la Caisse de dépôt de placement faisait affaire ou investissait dans les entreprises qui, eux, bénéficiaient ouvertement de paradis fiscaux. Et là, je cite l'article du Journal de Québec où on dit que la Caisse de dépôt et de placement de Québec a presque doublé la valeur de ses placements dans les paradis fiscaux depuis 2013. Ils atteignent désormais plus de 26,2 milliards, a appris le Journal de Québec. Pour la première fois, la Caisse de dépôt a été forcée de dévoiler la liste de ses placements dans des compagnies enregistrées dans ses refuges fiscaux à la suite d'une question posée par le Parti québécois à l'étude des crédits du gouvernement qui en a fait la compilation. Mais non, je pense que c'est plutôt les organismes, et je crois même Alain Deneau avait présenté un mémoire après Attaque Québec ou avant, en tout cas, peu importe. C'était un enjeu où on disait dénoncer le gouvernement du Québec qui lui-même pourrait faire, qu'on pourrait dire, exemple dans le domaine. Et merci à ta Québec d'avoir dénoncé la Caisse des dépôts. Et que maintenant, pensez-vous vraiment que ça va changer les choses de dénoncer comme ça? Bien là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il y a plus de transparence. Hein? C'est quelques années auparavant, là, ça serait été absolument impensable que, je ne sais pas, un député puisse demander et obtenir l'information selon laquelle la Caisse de dépôt investit de l'argent dans des paradis fiscaux. Donc ça, c'est quand même une avancée. Maintenant, il y a aussi un rapport d'une commission des finances publiques qu'il y a eu sur les paradis fiscaux. Et dans ce rapport, bien, il est demandé clairement que la Caisse de dépôt cesse de collaborer finalement avec qui que ce soit, comme je disais tout à l'heure, qui fait affaire dans les paradis fiscaux. Mais ce que la nouvelle, je viens d'apprendre, c'est que la Caisse de dépôt elle-même investirait directement dans les paradis fiscaux et se servirait de ça finalement pour faire davantage de profits. Et là, on rejoint à une notion qui est très importante chez les défenseurs des paradis fiscaux, parce qu'il y en a, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que les paradis fiscaux, ça oxygène l'économie et finalement, on se sert tous des profits qu'on peut faire dans les paradis fiscaux, parce que finalement, l'argent de la Caisse de dépôt, c'est notre argent à nous. Et puis, si on peut profiter d'une fiscalité avantageuse, pourquoi pas, hein? Mais ça, c'est extrêmement inquiétant comme comportement et comme raisonnement finalement, parce que ça veut dire que c'est une espèce d'approbation de ce système des paradis fiscaux. Et si on va plus loin, mais ça veut dire qu'on s'en va vers l'élimination de la fiscalité, qui est quand même le meilleur moyen qu'on a retrouvé pour répartir la richesse. Et aujourd'hui, avec les inégalités sociales, mais on se rend compte qu'on a besoin plus que jamais d'une bonne répartition de la richesse. Oui, surtout pas de la répartir, par exemple, comme en 2016, le bas de laine des Québécois a été réparti 14 milliards aux îles Caïmans, 3,3 milliards en Suisse, 2,5 milliards aux Bermudes. C'est pas ça. Des pays qu'on visite là, pour aller à la plage. Oui, ça veut dire qu'à ce moment-là, on devient collaborateur de ces systèmes. Alors, d'une part, on fait une commission qui, dans son rapport, dénonce ce système et le fait très efficacement. Et d'autre part, par notre institution d'investissement la plus importante, ben on est tout à fait dans le système. Alors, il faut savoir de quel côté on choisit, hein. Et je pense que il est tout à fait dans notre intérêt de l'ensemble des Québécois, même si les investissements ne sont peut-être pas ce qu'ils seraient, mais je pense qu'on peut faire des investissements aussi extrêmement profitables, mais en dehors des paradis fiscaux. Donc, je pense qu'il faut vraiment se ranger dans la lutte contre les paradis fiscaux, parce que avec tous les plans d'austérité qui sont appliqués, avec nos services publics qui connaissent de mauvais moments, il faut le dire, ben il est absolument nécessaire qu'on réinvestisse là-dedans. Puis ce réinvestissement passe par un meilleur financement de l'État, puis un meilleur financement de l'État, ça passe tout simplement par l'élimination des paradis fiscaux. Ce message, justement, qui est, porté avec un flambeau par Attaque Québec depuis plusieurs années, on sent maintenant que ça sort justement des groupuscules pour se retrouver dans les médias comme le Journal de Québec, comme dans d'autres. Et puis, ce travail, on mentionne justement que c'est quand même ce rapport qui a dressé la liste officielle des paradis reconnus par l'Assemblée nationale. Et bien, c'est un travail sur 2 ans, quand oui. même. Oui, ben en fait, si on regarde ce document-là, alors il y a un double document. Il y a un mémoire qui a été fait par le gouvernement du Québec qui s'intitule « Le phénomène du recours aux paradis fiscaux » qui est un document extrêmement intéressant sur le fonctionnement même des paradis fiscaux. C'est sûr que nous, à Attaque, on le fait depuis longtemps. Il y a plusieurs autres auteurs, vous avez cité Alain Deneau, qui ont bien expliqué comment ça marche. Mais là, d'avoir un document officiel du gouvernement du Québec qui va exactement dans le sens de tout ce qu'on avance, ben c'est extrêmement intéressant. Et puis ensuite, ben il y a ce fameux rapport aussi là où cette fois-ci on va proposer 38 mesures, c'est ça, qui permettraient de combattre les paradis fiscaux. Ben je peux vous assurer que si on les appliquait, ces 38 mesures, on se retrouvait dans une situation complètement différente. C'est un travail qui a été très bien fait. Toutes les solutions ne sont pas là, mais quand même, c'est quelque chose d'assez considérable. Et si le gouvernement du Québec décidait d'appliquer ça, ben, on aurait des avancées considérables. Et maintenant, je pense que ce qu'il faut faire, nous, en tant que citoyennes et citoyens, c'est vraiment des pressions pour que ce rapport-là ne soit pas tabletté, hein, et qu'on pense vraiment à l'appliquer, qu'on trouve vraiment des moyens là, de s'arranger pour que ces résolutions-là soient concrétisées. Oui, d'ailleurs, on serait porté à penser que, puisque c'est un rapport de l'Assemblée nationale, que le Québec ne peut rien faire sans l'appui du grand frère fédéral. Quand on parle de fiscalité, évidemment, il faut que les deux paliers de gouvernement puissent chanter les mêmes chansons. Mais ce que j'ai compris, mais je ne sais pas si on le voit dans le rapport, c'est que pendant la commission parlementaire, Alain Deneau et Attaque Québec disaient aux députés présents que même si le fédéral ne fait rien, le Québec, même s'il n'est pas souverain, en matière de fiscalité, il peut faire école, il peut faire une brèche et vraiment créer des mesures et prendre des décisions en matière de fiscalité qui sont peut-être pas utilisées dans le reste du monde, mais qui pourraient effectivement faire école et faire en sorte que le Québec devienne avant-gardiste et que les autres pays suivent. Vous comprenez? Si on empêche une entreprise qui bénéficie de paradis fiscal ici, ben peut-être qu'ils vont dire, ben nous, on plie bagage puis on s'en va dans l'autre province ou on s'en va dans l'autre pays d'à côté. Mais oui, quand même, semble-t-il que le Québec pourrait, quand même, outre ce genre de faits pervers, pourrait quand même prendre l'initiative de prendre de ces mesures et être suivi par d'autres par la suite. Oui, oui, tout à fait. Le Québec a quand même... au Québec, on a nos impôts, on a nos taxes, donc ça veut dire qu'on a un droit de regard sur ça. Si le Québec n'avait pas la possibilité de collecter des taxes et des impôts, là, on pourrait dire, oui, c'est vrai qu'on est vraiment impuissant, puis dans ce cas-là, il faut vraiment se fier sur Ottawa. Mais c'est pas le cas. Donc, c'est intéressant qu'on peut prendre des mesures très, très directes. Dans le rapport sur le phénomène des paradis fiscaux, eh bien, il y a quand même aussi une demande qui va dans ce sens-ci, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait des études qui se fassent qui se pose la question dans quelle mesure le Québec est lié par les conventions fiscales signées par le Canada. Hein? Alors, le Canada a signé plusieurs conventions avec les paradis fiscaux qui permettent finalement aux entreprises de payer leurs impôts dans le paradis fiscal et de ramener leur argent ici sans payer. Ben, dans quelle mesure le Québec est lié là-dedans? C'est sûr que c'est intéressant d'avoir des avis juridiques là-dedans. Et comme le Québec, finalement, comme je le disais tout à l'heure, peut lever des impôts, ben à ce moment-là, peut-être qu'il ne serait pas lié avec une convention qui l'engage et qu'il n'a pas signé, finalement. Alors, c'est intéressant d'aller dans ce sens-là, et je pense que ça, c'est une démarche très, très importante. Très intéressant. Merci beaucoup, Claude Vaillancourt. Et puisque vous êtes avec nous, accepteriez-vous de parler d'élection présidentielle? Parce que à l'heure actuelle, je sais que vous êtes résident de Montréal, il y a plus de 60 000 Français dans la région, dans la grande région de Montréal, qui ont le droit de vote, qui ont la qualité d'électeur à cette présidentielle. Il y en a quelques milliers ici à Québec, là, qui au Collège français, l'ancien Collège Notre-Dame de Bellevue, vont voter. Mais tous les Français que je connais, puis là, ça inclut vraiment dans ma famille proche, là, quatre personnes avec qui j'étais ce matin même, qui n'iront pas voter, parce qu'ils savent pas pour qui voter. Les deux qui sont là n'ont pas vraiment suscité leur intérêt, et surtout pas de se déplacer, d'aller se faire geler dehors, parce que aux dernières élections du premier tour de cette présidentielle française, des milliers de personnes se sont découragées d'attendre sous la pluie, sous le froid, puisque c'était tellement long. C'était au moins 1 à 2 heures d'attente à l'extérieur, avant même d'être entré à l'intérieur du lieu de votation. Donc, pour ces raisons-là, mais pour d'autres raisons vraiment plus politisées, souhaitez-vous nous parler un peu de politique française? Oui. C'est sûr qu'on peut réfléchir là-dessus. On peut réfléchir au dilemme devant lequel sont confrontés les Français. J'avoue que personnellement, j'aimerais pas être français, être confronté devant un choix comme celui-là. Là. En fait, je dirais que le dilemme, c'est que pour quelqu'un qui a, disons, des idées à gauche, quelqu'un qui est altermondialiste, mais finalement, il n'y a aucun des deux candidats là, qui peut répondre à ses attentes. D'une part, vous avez l'extrême droite, Marine Le Pen, un parti qui est ouvertement raciste et contre les minorités, et on sait ce que ça donne des partis d'extrême droite au pouvoir. Hein. C'est extrêmement dur pour certaines parties de la population, et souvent aussi l'extrême droite, d'un point de vue économique, est très, très libérale. Même si Marine Le Pen fait des grands discours qui pourraient parfois ressembler altermondialistes, ben on sait que dans la réalité, quand ces partis-là sont au pouvoir, ils vont souvent gouverner très, très à droite. Et d'autre part, ben, vous avez un parti qui est responsable de tout ce... Vous avez un représentant, c'est-à-dire Macron, qui est associé finalement à tout ce contre quoi on se bat, les altermondialistes, c'est-à-dire une mondialisation inhumaine en faveur d'une élite, une espèce de désaccords commerciaux, une Europe finalement qui est très centralisatrice, très bureaucratique. Donc vraiment tout ce contre quoi on s'est battu et qui a créé aussi, il faut dire, qui a créé le phénomène des partis d'extrême droite là, comme celui du Front National. Donc être pris entre ce choix là, c'est un choix extrêmement déchirant. C'est vraiment déchirant. Effectivement, j'ai devant moi ce que les gens reçoivent, le fameux dépliant, les brochures de chacun des deux candidats. Et c'est vraiment... même en lisant le contenu de chacun de leurs promesses, leurs engagements, c'est pas du tout attirant, comme tu le dis si bien, Claude Béancourt, pour les gens. Mais aussi, j'ai quand même un texte ici de Attaque France, hein, de nos grands frères français. Oui. Et je vais te demander de réagir à ce qu'ils ont écrit sur leur site en rapport avec les résultats du premier tour de la présidentielle qui illustrent bien, selon eux, la crise politique et démocratique que connaît la France. Ils conduisent à l'affrontement au second tour d'un tenant du libéralisme le plus décomplexé et la représentante d'une extrême droite qui met au cœur de son projet le racisme et la préférence nationale, comme tu l'expliquais si bien. Emmanuel Macron est porteur des politiques libérales de ces dernières décennies qui ont conduit à l'augmentation de la pauvreté, des inégalités et à la désespérance sociale et, comme tu dis, à l'augmentation de la popularité de l'extrême droite. Il est l'ami de la finance et le candidat zélé du libre-échange. Son programme ne sera en rien un obstacle à la montée des idées de l'extrême droite dans les années à venir. Donc, peu importe si Madame Marine Le Pen ne gagne pas, le phénomène est là, la tendance est là. Emmanuel Macron fait partie de ceux qui provoquent la popularité de ce mouvement lepéniste. Donc, Marine Le Pen, elle, est porteuse d'un racisme, dit Attaque France, décomplexé à l'égard des étrangers et des musulmans. Son projet est de s'attaquer aux libertés publiques, aux mouvements sociaux, aux syndicats, et d'instaurer un pouvoir autoritaire. Son élection le 7 mai prochain, donc demain, à 14h, on saura qui est président ou présidente de la République. Alors que pour les Américains, quand je dis Américains, c'est les trois Amériques, eux, ils votent aujourd'hui jusqu'à 8h ce soir, mais les résultats seront donnés seulement que demain, à 14h, à travers le monde en même temps. Donc, son projet à Marine Le Pen est de s'attaquer aux libertés publiques, aux mouvements sociaux, aux syndicats, et d'instaurer un pouvoir autoritaire. Donc, son élection serait un stimulant très puissant pour les fractions les plus réactionnaires au sein de notre société française, un danger vital pour les libertés publiques. Et là, j'ai l'exemple de Marine Tondelier que j'ai rencontrée à Liverpool. Elle est conseillère municipale verte à Hénin-Beaumont, qui est une municipalité dirigée par le Front national. Puis elle exprimait dans un blog sur le site d'Europe Écologie Les Verts tous les mauvaises choses qui arrivent quand on est dirigé par le Front national. Puis effectivement, c'est le manque d'information, on prive les journalistes de pouvoir faire leur travail correctement. Donc, une certaine dictature qui est associée à la façon d'eux de gérer une simple petite ville là, dans le nord de la France. Donc, il y a un danger vital pour les libertés publiques. Elle ne mettrait en aucun cas un coup d'arrêt au capitalisme financier et à sa violence. Marine Le Pen est tout sauf la candidate du peuple. Son élection créerait la pire des situations. Quel que soit le résultat, termine Attaque France, de ces élections présidentielles demain à 14h, on comprendra, la mobilisation sera à l'ordre du jour. Attaque poursuivra son travail d'éducation populaire, tourné vers l'action et recherchera des convergences avec les autres mouvements sociaux. Ils le font très bien d'ailleurs avec les Amis de la Terre France, avec toutes sortes d'organismes qui ont comme priorité justement leur propre priorité, entre autres sur les paradis fiscaux et tout l'autre phénomène de taxes sur les transactions financières. Donc, pour développer les résistances et construire des alternatives indispensables, Attaque France sera très actif. Attaque France dit qu'ils participeront aux mobilisations sociales face au nouvel ordre établi, aux multinationales et à la finance, au racisme et aux discriminations qui gangrènent notre société. Nous devons reprendre l'offensive dès maintenant. Est-ce qu'il y aura des actions au Québec aussi? Ben ça, non, et nous, on a une chance assez incroyable, on n'a pas de parti d'extrême droite ici, hein. En même temps, on peut difficilement se faire une idée de ce que c'est que d'avoir un parti d'extrême droite au pouvoir, que ça soit, hein, c'est bien dit, dans une municipalité, peut-être à la tête d'une province, alors, ou au Canada au complet, donc à quel point, justement, c'est dur pour les libertés civiles, pour les minorités, à quel point aussi ça ne rentre pas du tout en contradiction avec le système économique qu'on a. On le voit très bien aux États-Unis avec Trump, hein, à quel point toute sa volonté de déréglementer, finalement, de laisser l'économie aller d'une manière complètement libre, hein, à quel point ça risque de créer justement des crises économiques et aussi ça risque d'affecter les plus pauvres. Donc ceux qui ont voté pour lui, c'est ça le grand paradoxe et c'est bien dit ici dans le texte d'Attaque France. Donc d'une part, il y a ça, cette extrême droite donc qui est extrêmement dangereuse et qu'on n'a pas ici, mais d'autre part aussi, quand on parle de Macron, et le texte le dit bien aussi, c'est un type qui se présente comme étant un centriste, hein, et moi je trouve invraisemblable ce mot centriste. Centriste, normalement, c'est être au centre. Mais si on regarde ses politiques économiques, c'est vraiment très, très ancré à droite aussi. C'est du pur néolibéralisme. Alors donc, pour tous ces Français qui ont voté quand même pour... Mélenchon. Pour Hamon, pour Mélenchon, pour... c'est 40% des gens. De gauche, mais il y a absolument rien dans les programmes de ces deux candidats à la présidence qui peut les satisfaire. Hein. C'est ça la grande difficulté de la situation actuellement en France. Oui, 40% de le vote de gauche valait 40% au dernier tour, en fait, au premier tour. Et ces gens-là ne se reconnaissent pas. Même M. Mélenchon lui-même a eu quand même l'idée originale avec son mouvement de France insoumise de consulter les gens qui prétendaient avoir voté pour lui. Il y avait accès à un site où on pouvait répondre à des questions qui faisaient en sorte que ça nous aidait à choisir entre l'un ou l'autre, entre Le Pen ou Macron. Et finalement, lui-même, Mélenchon, n'a pas donné de suggestions de vote parce que on faut lire entre les lignes. Il dit « je ne voterai surtout pas Le Pen », mais il ne dit pas qu'il va voter Macron. Et dans des mots couverts, on peut comprendre qu'en France, ça existe de faire le vote blanc ou l'abstention pure et simple. Mm-hmm. Et certains sondages que j'ai vus analysés par Maxime Combes, que tu connais bien, je pense, un économiste très associé à TAC France, qui a publié plusieurs volumes très intéressants, un économiste que je classerais parmi les grands intellectuels français, qu'on a eu la chance de rencontrer ensemble, Claude, si tu te souviens, à la COP21, à la conférence des partis en décembre 2015. J'avais eu la chance de parler avec Maxime, et je le suis beaucoup sur Twitter et tout. Et puis, comme il y a vraiment tenter d'analyser des chiffres de sondage pour voir si jouer un peu avec une boule de cristal à quoi pourrait ressembler le résultat de demain. Et il semblait avouer qu'il y avait 14 millions de lepénistes qui ont voté au premier tour ou qui sont associés au mouvement de l'extrême droite, 14 millions, alors que 45 millions d'électeurs. Mais si on s'attend à une abstention d'un tiers des électeurs, donc autrement dit, on se retrouve avec 30 millions d'électeurs qui vont vraiment avoir voté aujourd'hui en Amérique et demain dans le reste du monde. Alors ça veut dire qu'il manquerait que 1 million à Mme Le Pen pour aller chercher un 50% plus 1. Mais semble-t-il que le débat qu'elle a fait s'est très mal tourné, parce qu'elle était comme elle est elle-même. Ouais. Elle a joué la carte de l'agressivité, ce qui n'est pas toujours attirant pour des électeurs indésirés. En tout cas, toujours est-il qu'elle n'aurait pas réussi à atteindre justement le 15 millions qu'elle a de besoin pour gagner avec 50% plus 1, en prétendant qu'il y a plus du tiers des électeurs qui n'auront pas été votés. Et il y a un chiffre qui circule, là. Moi-même, je me suis amusé à faire de la calculométrie bidon un peu, mais en tout cas, toujours est-il que j'ai cru comprendre que si il y a moins de deux tiers des électeurs, autrement dit, moins que 63% des gens qui vont voter demain, sur les 45 millions, ça pourrait faire passer Le Pen, qui, elle, son vote est cristallisé, et les gens qui aiment Mme Le Pen, eux, ils veulent vraiment aller voter, puis ils sont probablement en train de faire la ligne à Montréal ou à Québec, même s'il pleut, même s'il fait froid, alors que ceux qui savent pas trop pour qui ne se reconnaissent pas dans ni l'un ni l'autre, n'iront pas voter. Ça pourrait faire passer Le Pen, alors quand son père a été candidat contre Chirac, il y avait vraiment un mouvement de masse de la gauche, de la droite, du centre, du moyen centre, moyen droit. Tout le monde votait pour Chirac, même si il n'avait jamais voté pour la droite, alors que là, on sent pas ça dans la population. Oui, mais quand même, dans les sondages, Macron est quand même une avance très confortable. Là. Disons que quand Trump nous a surpris aux États-Unis par rapport à Clinton, l'avance de Clinton n'était pas aussi marquée que celle de Macron. Je pense que, de toute façon, là, on est dans les spéculations, ben oui. Là, ce qui est assez difficile, mais je pense que C'est clair que peu importe le résultat, le défi là, pour la gauche en France, c'est qu'elle ne sera pas représentée au gouvernement. Et ça veut dire qu'il va falloir prendre la rue, il va falloir manifester. Je pense qu'il y a plusieurs Français qui sont prêts à le faire. Il y a une espèce de grogne qui est quand même assez importante. Et la question qu'on peut se poser, c'est si on se retrouve avec un parti d'extrême droite au pouvoir, alors à ce moment-là, il risque d'avoir une répression très forte. Ceci dit, ça peut arriver avec Macron aussi, mais quand même, je pense qu'il ne faut pas mettre dans le même panier l'extrême droite et, disons, une droite un peu centriste là qu'on connaît depuis plusieurs années. Et moi, je pense que pour le mouvement social, c'est très clair et c'est pour ça aussi que je pense que Mélenchon a tenu vraiment à se prononcer contre elle. Pour le mouvement social, si c'est le Front National qui est au pouvoir, eh bien, ça risque d'avoir des conséquences très, très graves. Et ça aussi, ça a été bien dit dans le texte d'Attaque France. La seule consolation que les Québécois pourraient avoir, c'est qu'elle se dit ouvertement pour la souveraineté du Québec, mais le PQ est loin du pouvoir, on est loin d'un référendum, donc c'est aura le temps de se faire battre. Au contraire, plus nous faire perdre des appuis. C'est ça. Donc, de toute façon, avec quelqu'un comme Le Pen, disons qu'on ne se sent pas tellement en confiance. Ouais, ça serait peut-être le seul pays dans le monde qui supporterait justement la souveraineté, ce qui n'est pas souhaitable. Mais tu vois, même les économistes dont Maxime Combe fait partie, on fait un genre d'analyse très intéressante en disant que le Front national a un programme économique et social incohérent et xénophobe. Cette note des économistes atterrés propose une analyse détaillée du programme économique et social du Front national, un programme avant tout au service du patronat et des riches. Donc, même si l'extrême droite, des fois, rejoint l'extrême gauche, là, on peut voir que son programme, selon ses économistes, ne touche pas vraiment l'extrême gauche, s'en prenant très clairement aux syndicats et aux étrangers, un patriotisme économique fondé sur le logiciel néolibéral. Le Front national fait partie donc de ces partis qui a même, dit-on, un féminisme de pure façade. Et donc, dans le résumé de cette étude, on parle que une analyse détaillée du programme économique et social du Front national montre que dans le fouillis des propositions se dessine un patriotisme vraiment économique pur, fondé sur le néolibéralisme, alors que dans le fond, ils se disent contre le libre-échange. On pourrait vraiment s'y perdre. Il donne comme exemple de proposition sociale la retraite à 60 ans. Il est avant tout au service du patronat et des riches, d'après eux, s'en prenant très clairement aux syndicats et aux étrangers. La France prospère, qu'il promet, s'appuie sur une vision magique du souverainisme et d'un protectionnisme patriote. Le modèle productif qu'il entend mettre en place repose sur la réindustrialisation, y compris militaire, et s'avère très éloigné de la transition écologique annoncée, même s'ils promettent des choses. Quant aux mesures d'emploi et aux mesures sociales, elles consistent pour l'essentiel à institutionnaliser la discrimination à l'encontre des étrangers au nom de la priorité nationale. Enfin, le programme cherche à donner une image de modernité en se faisant défenseur des droits des femmes, mais son féminisme est de pure façade. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Je pense que si on voulait vraiment être cynique, mais je pense que le cynisme, c'est pas une très bonne position en politique, là. Mais si on voulait vraiment être cynique, on se dirait, ben, qu'ils aillent au pouvoir, le Front National. Un petit peu comme Trump aux États-Unis. Ouais. Parce que, finalement, c'est un programme qui est tellement à l'encontre des intérêts des gens qui votent pour eux, hein, qu'on pourrait se dire, ben voilà, ça va éradiquer finalement ce problème de ces partis-là. Parce que finalement, qui vote pour eux, ce sont les victimes de la mondialisation, ce sont les ouvriers qui ont perdu leur emploi, ce sont des gens qui se retrouvent dans des situations précaires, ce sont des gens qui ont des difficultés tout simplement à vivre. Alors, si on regarde ces politiques-là, ben c'est vraiment toutes des politiques qui vont accentuer ce fait. Au lieu de résoudre les problèmes des gens, mais ça va accentuer ces problèmes-là. Donc, on peut dire que c'est intéressant de voir ce qui va se passer aux États-Unis. Là, ces gens qui ont voté pour Trump, qui sont victimes de ces politiques, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont continuer à croire au mirage? Parce que c'est très clair que c'est un mirage, Trump. Est-ce qu'ils vont continuer à y croire? Ils vont finalement se retourner contre lui et voir que finalement, cette voie-là est pas une voie qui est vraiment à leur avantage et qui vont y renoncer, en tout cas pour longtemps. Ça, c'est ce qu'on espère. où ils vont continuer cette espèce d'aveuglement. Mais en France, on pourrait dire, ben, ils vont faire la même chose. C'est peut-être le meilleur moyen d'éliminer le Front National, c'est tout simplement de le mettre au pouvoir pendant ces années. Mais le problème, quand je dis c'est une solution cynique, pourquoi ça marchera pas, c'est que en 4 ans de pouvoir, admettons, ces partis-là peuvent faire des ravages absolument terribles. Et je pense qu'il faut pas résoudre un problème en souhaitant le malheur, puis que ce malheur finalement se transforme en quelque chose de plus heureux. C'est vraiment, disons, ça serait la solution du pire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment être profondément opposé à un parti comme celui-là. Mais quand même, ce qu'on espère, c'est que, d'une certaine manière, que peut-être par une forme d'éducation populaire, je sais pas, par des actions, par tout ça, de peut-être convaincre aussi, faudrait qu'on se penche davantage sur le cas de ces victimes du système, hein, que ces gens-là peut-être puissent se rendre compte qui sont vraiment en faveur de leurs intérêts. Moi, je pense que si on additionne le vote du premier tour de Macron et de Hamon, qui avait quand même... c'est pas Macron. Mélenchon et Hamon, qui avaient quand même tous les deux un programme très intéressant. Là. Oui. Hamon aussi... écologiste, en plus. A comme transformé le PS pour en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant pour les populations. Mais ça donne quand même un pourcentage du vote qui dépasse le quart de la population. Mm-hmm. C'est quand même beaucoup, ça. Donc, ça veut dire que, et ça, c'est pas seulement, je sais pas, une élite urbaine, etc., comme certains semblent le dire. Là. Donc, ça veut dire que parmi ces victimes du système, si on se tourne pas tous vers le Front National, ça, c'est quand même une erreur de dire ça. Et ça veut dire que ce parti pris, cette façon de voir les choses pourrait aussi faire des progrès dans l'intérêt, dans la population. Et d'ailleurs, la progression de Mélenchon, elle est tout à fait phénoménale. Oui. Là, au départ, on lui donnait quelque chose comme 10% du vote. Il a doublé les appuis dans l'espace d'une campagne électorale. Donc, ça veut dire que aussi, cette vision prend de plus en plus des racines. De place. C'est ça. Et ça veut dire qu'il y a quand même certain espoir aussi. Là. Oui. Et c'est pour ça que c'est malheureux de se retrouver avec un kit Kodak qui se prend pour John F. Kennedy ou Justin Trudeau, qui est M. Emmanuel Macron, mais qui a quand même l'appui de Dan Cohn-Bendit, le mai 68-heure, qui a dirigé les Verts au Parlement européen pendant plusieurs années, qui a pris sa retraite. Donc, il y a quand même un entourage qui pourrait l'influencer. Puis effectivement, ouvertement, ben Benoît Hamon... En tout cas, Macron, je pense que c'est beaucoup plus qu'un Justin Trudeau. Hein. C'est pas juste quelqu'un qui aime se prendre en photographie, c'est vraiment quelqu'un qui a intégré peut-être encore plus profondément les principes du néolibéralisme. C'est quelque chose, un pur produit de l'élite française. Je pense qu'il faut dire, c'est un homme très brillant, hein, très habile, je dirais, mais aussi profondément convaincu, finalement, que cette mondialisation néolibérale, c'est la seule chose qu'il faut suivre. Et devant les problèmes, c'est ça aussi, c'est ça qui est très grave, devant les problèmes engendrés par le néolibéralisme, bien, lui, sa solution, c'est qu'il dit qu'il en faut encore plus. Ben oui. Alors surtout ça, c'est extrêmement dangereux, et on voit dans certains pays d'Amérique du Sud, par exemple, qui ont poussé très, très loin l'application des principes néolibéraux, on a vu ce que ça donnait, c'est une espèce d'explosion sociale, une destruction du social, carrément des crises, là, par exemple en Argentine. Il ne faut pas oublier que l'Argentine a été l'élève modèle du Fonds monétaire international, espèce de pays néolibéral par excellence, hein, et on a vu ce que ça a donné. Mais un des modèles de gauche, c'est l'Équateur, puis sont en train de tout abolir leur traité de libre-échange avec tous les pays, y compris le Canada. Là. Oui, donc il y a quand même des bons coups qui se font dans ce coin de l'hémisphère. Ouais. Et comme tu le disais si bien, Claude, en terminant, Macron... lui, il faut pas oublier d'où il vient. Il a supervisé le rachat par Nestlé d'une filiale de Pfizer. Donc lui, comme banquier de la grande famille Rothschild, qui ont quasiment choisi les présidents de France depuis les dernières centenaires, depuis Napoléon quasiment. Alors, faut comprendre que eux sont bien contents. Là, on va dire, les grands chantres du néolibéralisme et les grands banquiers des Champs-Élysées sont bien contents d'avoir un Macron entre les mains. Et il est tellement populaire chez les médias, c'est à se demander justement que les propriétaires de médias n'ont pas fait exprès pour lui donner 5 couvertures de Paris Match, 10 de VSD, 5 de Gala. Ceux qui connaissent ces médias, là, c'est leur lundi, leur 7 jours, puis leur actualité. Ben, lui, il a fait des dizaines de fois les pages couvertures de ça. Alors, voilà. C'est quand même le candidat idéal là, pour les grands représentants du système financier. Il pouvait difficilement trouver mieux. Ouais. Non, c'est ça. C'est pour ça que, ben, on verra ça. Claude, on essaiera peut-être de se reparler avant la fin de la saison, parce que ça vient vite. Oui. Et, ben, écoute, moi, je veux en profiter pendant que je te parle. Peut-être qu'on n'aura pas la chance de se reparler, mais on va essayer de te réinviter. Je voulais remercier les gens d'Attaque Québec de m'avoir confié l'animation de cette émission Grain de sable. Je sais qu'il y a des décisions qui vont peut-être être rendues publiques prochainement, mais il se peut qu'on en soit à nos dernières émissions ici à CKRL. Et je voulais vraiment remercier le support et toutes les fois que tu nous as dit oui pour une interview. T'es tellement intéressant, t'es le genre de personne qui est tellement facile à interviewer que je pourrais te poser une question puis aller aux toilettes, mais je l'ai pas faite. Mais coudonc, merci beaucoup de prendre de ton temps. Ben écoute, moi je te remercie aussi pour ton animation chaleureuse, compétente aussi, ton travail aussi de vulgarisation auprès des auditeurs, je pense que ça t'as vraiment excellé là-dedans. Ben merci beaucoup, puis j'essaierai d'utiliser mon talent peut-être en politique municipale. Il y a des décisions que je dois prendre prochainement ou que j'attends, et je vais probablement être très occupé l'automne prochain si jamais ça va de l'avant. Ben, je te souhaite les meilleures chances du monde. Merci beaucoup. Restez oui. avec nous. Je vous laisse en musique concernant la France. Merci, Claude. Oui, merci, Jean. Vous avez le goût de faire de la radio? C'est-à-dire qu'on fabrique des images avec des voix et des sons. Un sujet vous passionne depuis longtemps? Il y a tous les ingrédients, mais pas de recette. C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2017. La marche à suivre est simple. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Le reste nous appartient. Vous avez jusqu'au 4 mai. La saison estivale débute le 29 mai et se termine le 3 septembre. Je confirme. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. CKRL, première station radiophonique communautaire de la francophonie. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. 3E, événements, expériences, émotions. Chambre blanche. Jeunes musiciens du monde. Spira. La croisée. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans. sa tombe, qu'elle se moque des bombes, qu'elle se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. En Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes, que je n'aurai pas d'armes et qui pourront tirer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'était un groupe que vous connaissez peut-être, HK et les Saltimbanques, dans leur album sorti le 17 février 2014, nous parlait de cette version du déserteur dans l'album. HK présente les déserteurs. Il me semble que, à savoir que Marine Le Pen promet, j'ai leur programme devant moi, là. Elle promet d'augmenter la présence militaire, le rétablissement des contrôles aux frontières nationales, comment on pourrait dire, l'augmentation des dépenses militaires d'une façon vraiment importante. Qu'on pourrait dire, Emmanuel Macron est aussi son premier chantier qu'il propose consiste à renforcer la sécurité de la nation. Je cite son programme, notre sécurité à l'international s'inscrira dans une stratégie de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme islamiste. La sécurité intérieure passera par un investissement conséquent dans nos forces de l'ordre, leur réorganisation, mais aussi dans la vigilance que toute notre nation doit retrouver, assurer la sécurité, faire respecter sans concession notre laïcité, restaurer partout l'autorité de l'État. Et on parle ici d'augmenter de 5000 gardes frontières supplémentaires. On parle de renforcer la protection de l'État avec 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires, une nouvelle police de sécurité quotidienne qui aura le droit d'éloigner des délinquants des zones où ils commettent leurs délits. Et je vous passe là, de tous ces investissements dans la croissance et dans le monde militaire, tout en faisant des baisses de 60 milliards des dépenses publiques. Alors, on peut comprendre que on parlera d'austérité dans peu de temps en France. Il veut rénover la démocratie, M. Emmanuel Macron, en réduisant d'un tiers les parlementaires et en interdisant toute activité de conseil pour les parlementaires. Mais oui, il y a des députés en France. Non seulement ils font leur travail de député, ils sont payés pour ce faire, mais ils disent ouvertement dans leur CV, dans leur déclaration pécuniaire d'intérêt, qu'ils sont conseillers pour certaines entreprises. Alors que ça fait longtemps qu'on a réglé ça ici au Québec. On n'a pas ce genre de, qu'on pourrait dire, de permission de nos députés de aussi conseiller des entreprises, donc faire du lobbying officiellement sans se cacher. Quelle honte! Tout en continuant à parler de ces élections présidentielles dont on est vraiment en plein dedans, J'ai beaucoup aimé une entrevue que j'ai vue dans un journal qui mentionne que, par exemple, de quelle manière, on pose la question à Marine Le Pen, de quelle manière entendez-vous mettre en œuvre votre politique environnementale au sein de votre gouvernement? Quel budget prévoyez-vous pour vos mesures et comment les financez-vous? Parce qu'elle prétend pouvoir avoir des promesses dans le domaine de la transition écologique. Alors Marine Le Pen répond, l'écologie est transversale. Elle ne doit pas être au-dessus de tout, mais le ministère de l'Environnement doit dialoguer avec tous les autres ministères. Par exemple, les sujets liés aux industries plus respectueuses de l'environnement doivent être résolus en concertation entre l'industrie et l'environnement. Il faut aussi un budget raisonnable, dit-elle. On voit qu'actuellement, il n'y a plus d'argent pour financer les conversions en agriculture biologique parce que l'enveloppe n'est pas suffisante. Bon, elle prétend vouloir investir dans l'agriculture biologique. Quant à la fiscalité, elle doit parfois être réorientée en faveur de l'environnement. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga des politiques publiques, mais il y a un vrai débat. Il ne faut pas punir, il faut prévenir et laisser le temps aux acteurs de s'adapter en annonçant, par exemple, dans 2 ans, la fiscalité avantagera tel produit respectueux de l'environnement. Il faut établir une fiscalité favorable aux produits agricoles respectueux de l'environnement. Par exemple, nous voulons relever la TVA des produits issus des fermes-usines. La TVA, c'est une genre de taxe sur la valeur ajoutée. On connaît ça ici. On protège ainsi nos agriculteurs, dit-elle, des importations déloyales et on assure que ces fermes ne se développent pas en France. De la même manière, il faut envisager une fiscalité plus favorable aux voitures hydrogène et électriques. Eh bien, qu'est-ce qu'on ne fera pas pour tenter de séduire le million d'électeurs qui nous manquent? Moi, ce que j'ai à répondre aux gens de Front National, c'est ceci, peu importe ce que vous promettez. On veut du green. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du green. C'est nous les As, les Pinocchio du marketing. On veut du green. On cache les galets sous le sable. On veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables. On voudrait 4 bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green. C'est nous les As, les Pinocchio du marketing. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green. C'est nous les As, les Pinocchio du marketing. On veut du green. On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green. Soulager son esprit. On veut du green. On veut la mer, on veut l'été, on veut bronzer. On veut du green. On veut des baleines et du thon. On veut du green. C'est nous les As. On veut du green. Washing. Ben oui, Greenwashing, le groupe trio que j'ai raté. Ils sont venus en spectacle ce printemps, début printemps, et en plus un vendredi soir, mais j'étais pas disponible et je m'en veux, parce que je souhaitais tellement leur venue depuis que je les connais, depuis que je les écoute. Et je sais qu'il y avait de nouvelles chansons, peut-être même adaptées à la campagne présidentielle. Alors vraiment, le groupe trio. Et je me croise les doigts pour qu'ils viennent au festival d'été puis que je mette ça tout de suite à mon agenda. Et bon, je vous ai parlé de ce que Le Pen répondait aux gens qui lui posaient des questions sur la transition écologique. Mais moi, je préfère une dépêche que j'ai prise sur Reuters dans la tribune Greenpeace. Autrement dit, c'est Greenpeace eux-mêmes sur France Info Télévision. On a fait référence aussi au fait que Greenpeace dit que Macron ne nous enthousiasme pas et Le Pen s'oppose à nos valeurs. L'écologie n'a pas passé le premier tour. On en parlait avec Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, tout à l'heure, effectivement. Benoît Hamon, qui a fait alliance avec Europe Écologie Les Verts, avec Yannick, le candidat qui avait été choisi pour représenter Les Verts, s'est retiré, a fait alliance avec le Parti Socialiste. Alors, normalement, on s'attendait à ce qu'il fasse 20%, mais Benoît Hamon, en alliance avec Les Verts, a fait un score vraiment le plus faible qu'on pouvait s'imaginer. On espérait au moins 9%, mais finalement, ça ressemble plus à 6%. Autrement dit, c'est ce que Les Verts auraient fait, je pense, s'ils avaient eu leur propre candidat. Alors, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon qui, lui, dans les sondages à l'avant-dernière élection présidentielle, on le mettait à 17%, qui avait fait 11%, alors que là, il a vraiment été plus qu'à son 17% qu'on disait dans les sondages il y a plus de 5 ans. Alors là, il a fait vraiment dans les 20%, il a failli se positionner pour le deuxième tour. Donc, très présente dans les programmes de certains candidats comme Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, les questions environnementales occupe une faible place dans ceux des deux finalistes de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Aucun des deux n'a d'ailleurs choisi de s'attarder sur le sujet depuis le premier tour. À quelques heures du débat d'entre-deux tours, qui a été gagné par Emmanuel Macron, étant donné la mauvaise performance de Marine Le Pen, qui était trop agressive, elle était elle-même en fait. Donc Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, hein, un peu l'équivalent de Stephen Guilbeault dans le temps où ces temps-ci le porte-parole de Greenpeace Québec, c'est Patrick. C'est des gens que je connais personnellement, je portais oublié leur nom de famille en tout cas. Greenpeace France, tout comme Greenpeace Québec, et sûrement solidaire, juge sévèrement leur programme écologique dans une tribune publiée sur France Info. Il s'exprime ici librement, et je les cite, « L'environnement n'a pas été traité à la hauteur de ses enjeux pendant cette campagne électorale, alors que la crise climatique s'intensifie et que la pollution de l'air atteint des taux inégalés dans beaucoup de métropoles mondiales. L'écologie ne s'est pas imposée dans les débats. Pourtant, pour la première fois, trois candidats, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, et on inclut même Philippe Poutou, qui a fait quelques pourcentages, là, moins qu'un, avaient placé cette question au cœur de leur programme en s'engageant notamment pour une sortie totale du nucléaire. Il faut comprendre que la France est le pays le plus nucléarisé dans le monde, et en plus, il y en vend dans le reste du monde. C'est vraiment les pires. Et d'ailleurs, Friends of the Earth, les Amis de la Terre, et beaucoup de mouvements comme Greenpeace ont été créés à l'époque, il y a plus de 40 ans, pour la lutte contre le nucléaire. Ne l'oublions jamais. Aujourd'hui, on pense que les verts, bon, c'est l'agriculture biologique, c'est le SRB, c'est le transport, c'est en commun. Non, non. Les premiers combats des verts, c'était contre le nucléaire. C'est seulement l'entre-deux tours que plusieurs médias ont pris le temps d'aborder plus en profondeur cet aspect des programmes des deux derniers candidats. Mieux vaut tard que jamais, vous me direz, diront les plus optimistes d'entre nous. Dans tous les cas, l'occasion est belle de s'attarder sur les promesses d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen dans le domaine de l'environnement. Donc, aucun des deux ne nous enthousiasme, dit Greenpeace France. Autant le dire d'emblée, ni le candidat d'En Marche, ni la présidente du Front National n'ont, semble-t-il, perçu la nécessité d'entamer au plus vite une véritable transition écologique qui passe notamment par une remise en cause des modèles économiques dominants. Greenpeace France dit qu'ils sont convaincus que les menaces environnementales aujourd'hui représentent autant de solutions à mettre en œuvre pour surmonter les crises sociales et économiques subies par nos sociétés. La transition énergétique, qui repose sur la sobriété de notre consommation et l'efficacité de nos productions, la rénovation des bâtiments et le déploiement massif des énergies renouvelables, est plus prometteuse d'emplois et de relance économique que la poursuite dans l'impasse du tout nucléaire, comme le Front national met de l'avant. De la même manière, une profonde mutation du modèle agricole intensif et industriel au profit d'une agriculture écologique est indispensable pour notre environnement, nos sols, nos eaux et notre nature, mais aussi pour les agriculteurs et leurs familles. Si l'on regarde le monde entier s'attaquer sérieusement et avec détermination aux causes du dérèglement climatique, hein, le changement climatique, c'est pas assez fort, c'est le dérèglement climatique, on le voit encore aujourd'hui avec cette pluie qui ne cesse de s'accumuler. Alors, le dérèglement climatique est un préalable indispensable à l'apaisement des conflits et à la prévention de nouveaux déplacements majeurs et forcer des populations. Aucun de ces trois enjeux dont dépend tellement notre quotidien demain n'est une réelle priorité dans les programmes des deux candidats pour lesquels les gens votent à l'heure actuelle. Donc, Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace, rappelle que ces enjeux environnementaux ne se règlent pas retranchés derrière des murs ou des frontières. Évacuons rapidement la question de savoir si Marine Le Pen s'est découvert un engagement écolo soudain. Ce n'est pas le cas. Son concept d'écologie patriote ne trompe personne. Les enjeux environnementaux ne se règlent pas retranchés derrière des murs ou des frontières. Personne ne pourra résorber la crise climatique, protéger les océans ou empêcher la déforestation en se repliant à l'intérieur d'un territoire fermé au monde. Cette vision est un non-sens d'un point de vue écologique. Elle est tout autant que l'engagement de Marine Le Pen à vouloir poursuivre dans la voie du nucléaire tout en développant les énergies renouvelables. Mais pas toutes. La candidate du Front national aspire à un moratoire immédiat sur l'éolien qui tuerait dans l'œuf une transition énergétique naissante. Mais l'écologie patriote de Marine Le Pen témoigne également d'une vision particulièrement égoïste et excluante qui est diamétralement opposée à celle de Greenpeace sur le terrain des valeurs. Nos valeurs d'ouverture, de diversité, de solidarité, d'humanisme et de non-violence sont profondément menacées par le projet dangereux du Front national. La patronne du FN doit aussi vivre dans une bulle à l'abri de toute pollution, vu qu'elle ne propose rien concernant la régulation du diesel ni aucune diminution du transport routier. Pour Marine Le Pen, l'environnement n'est que le support d'une tactique politique destinée à élargir son électorat. Le coup de gueule des associations locales lorsque la candidate a tenté de récupérer la lutte historique contre les boues rouges déversées dans la Méditerranée, là, dans le coin de Marseille, en est la plus récente illustration. Il faut que Macron nous explique de leur part comment ils comptent s'y prendre, mais il manque de temps pour vous dire que vous devez rester avec nous pour l'émission Les Geeks contre-attaque. Et j'espère, en tout cas, au moins s'il y a des Français qui n'avaient pas encore voté, qui ont écouté Grain de sable, mais qu'on a mis un peu un grain de sable dans votre volonté de voter pour l'extrême droite raciste, xénophobe, anti-écologiste que représente le Front national de Marine Le Pen. En tout cas, de son côté, Emmanuel Macron, d'après Greenpeace France, tente de se positionner en champion du climat. Dès le début de sa campagne, il a rappelé son attachement à l'accord de Paris obtenu en décembre 2015 et son envie de placer cet enjeu au cœur des missions du réseau diplomatique de la France. C'est déjà le cas depuis 2013, mais tant mieux si le candidat En Marche souhaite poursuivre dans cette voie. Tant mieux aussi s'il rappelle son attachement à la loi de transition énergétique et à la réduction prévue du nucléaire de 50% d'ici 2025. Quand même, je ne suis pas en train de vous dire de voter pour M. Macron. Je suis en train de vous dire que je pense que si j'étais français, moi aussi, j'aurais peut-être pas voté. Ou je voterais blanc, ce qu'il n'existe pas ici. Et moi, je salue les gens au Québec et dans le reste du Canada qui font des pressions pour qu'au moins existe la possibilité de voter blanc dans les élections quand vous n'avez pas la possibilité de voter pour un parti qui correspond à vos valeurs. Mais peut-être que de voter blanc, ça devient une solution. Alors, je vous remercie, restez avec nous, c'est le temps de parler d'informatique avec les Geeks contre-attaque. Well, I'm gone. Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL 89.1. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Marc-Antoine de la succursale Saint-Roch vous propose Annihilation de Jeff Vandermeer. Dans un style angoissant facilement comparable à Lovecraft, l'auteur nous fait voyager dans la mystérieuse zone X, où la nature a repris tous ses droits et d'où les humains ressortent bouleversés à jamais. Un roman de science-fiction rempli de suspense et d'horreur qui nous hante longtemps après sa lecture. Et Charles, de la succursale du Vieux-Québec, vous suggère Un long soir de Paul Kazak. Un recueil de très courts textes empreints d'une poésie désarmante, unique, presque inédite. Un petit livre magistral. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Le pied bleu, c'est quoi? Un bouchon, un bistrot d'inspiration lyonnaise, des plats longuement mijotés à partager en couple ou en groupe. Le renard et la chouette,